de Sherlock Holmes. Amuna musampari esayetele Ongete inga mutubo bimana luka yanga yenzela Ata nazali kilesela bita mote manayo Le choko kera koya na po bima sampre alvi Yavim Lumbila, Lovan, Loris la Congolaise, Arlel Amuna gandi le putre sayetele Ongete inga mutubo bimana luka yanga yenzela Ata nazali kilesela bita mote manayo Son Excellence Christophe Mouzoumbo, l'État Camille et les pacificateurs. Osio Sisenga Mini, Soukali et Sili, Nassoni Osala, Bassamblani Tamou et Zali, Polo Massoya Nino Solo, Kamissione Sakompli, Odona Salaki Komela et Salina Reto. Thank you.